on s'attendait pas à grand chose. On avait eu seulement deux pratiques là, puis avec les joueurs. Okay. Fait que c'est sûr qu'on a le système de jeu et tout ce qui se passe à la glace, on n'a rien vu encore. Fait que c'est pour nous autres là, être dans le match encore là, en troisième période contre Normandin, là, ça a prouvé qu'on était quand même pas si loin d'eux.